Les personnalités étrangères exaltent vivement les immortels exploits du président Kim Il-sung. Le président d'honneur de l'Union des communistes de Bulgarie et le président de l'Association des journalistes asiatiques du Koweït ont dit que chaque année, à l'occasion du 8 juillet, l'humanité progressiste formule l'hommage sublime au président Kim Il-sung en se souvenant profondément de sa vie et que le président Kim Il-sung, qui s'est mêlé toujours parmi le peuple pour appeler à la création des miracles légendaires sans précédent, est le grand dirigeant incomparable dans l'histoire. Le président du Parti socialiste bénin a dit que les chefs d'État et de parti et les habitants de différentes couches de beaucoup de pays exaltent vivement le président Kim Il-sung pour ses grandes idées et sa personnalité excellente. Le président de l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a dit que l'histoire de l'humanité compte d'innombrables grands hommes, mais elle ne connaît personne d'aussi grande que le président Kim Il-sung, vénéré par les peuples progressistes de son vivant et même après son décès, sans égard à la différence d'idéologie et d'opinion politique, de croyances religieuses et de langue, de race et de mœurs. Il a souligné que Kim Il-sung reste vivant comme soleil des peuples du monde.